À l'occasion de la journée du soleil, le secrétaire du comité régional de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar et le chef de l'Institut d'homothérapie de Myanmar ont publié chacun une communication. Ils ont indiqué que le président Kim Il-sung qui a créé les idées justes et qui a éclairé la voie à suivre par l'humanité est le pionnier et guide de l'époque d'indépendance et le grand homme sans égal qui a veillé à tout le monde avec sa noble vertu. Ils ont souligné que le président est toujours vivant dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste du monde, avec ses exploits accomplis pour l'époque et l'histoire.